Bonjour à tous, vous êtes sur Radioactive. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des jeunes du club ado de Possé-sur-Cisse. Ils vous ont préparé une petite émission qu'ils ont nommée Radio Ado. Laissons-les se présenter. Je m'appelle Pablo, j'ai 14 ans et je viens d'Amboise. Je m'appelle Julie, j'ai 14 ans et je viens d'Amboise. Je m'appelle Shaina, j'ai 15 ans et je viens de Possé. Je m'appelle Florian, je viens d'Amboise aussi. Et c'est quoi la question ? 25 ans, j'ai 25 ans, autant pour moi. Moi, je suis encore plus stressé que les jeunes. Non mais. Je m'appelle Tiffaine, j'ai 12 ans et je viens de Luceau-sur-Loire. Je m'appelle Emma, j'ai 14 ans et je viens de Possé. Je m'appelle Léa et je Possé aussi. Et j'ai 17. Je m'appelle Alicia, j'ai 17 ans et je viens à Possé. Moi c'est Maïly, j'ai 14 ans et je viens d'Amboise. Moi c'est Ethan, j'ai 14 ans et je viens de Possé-sur-Cisse. Je m'appelle Noam, j'ai 11 ans et je viens de Mône. Ça s'appelle Jason, j'ai 14 ans et je n'ai pas. Je m'appelle Mathis, j'ai 11 ans. Et je viens d'Amboise. Je m'appelle Axel, j'ai 13 ans et je viens de Possé. Je m'appelle Corentin, j'ai 14 ans et je viens d'Amboise. Je m'appelle Libéra, j'ai 14 ans et je viens de Limeray. Je m'appelle Simon, j'ai 13 ans et je viens d'Amboise. Je m'appelle Pierre, j'ai 11 ans et je viens de Mazel. Je m'appelle Léane, j'ai 14 ans et je viens d'Amboise. Je m'appelle Armand, j'ai 14 ans et je viens de Saint-Ouen-les-Vignes. Et maintenant, place à Radio Ado. Au club ado, on n'a pas les parents sur le dos. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radioactive et vous êtes dans l'émission Radio Ado, une émission concoctée par les jeunes du club ado de Possé-sur-Cisse. Florian, pour toi, c'est quoi le club ado ? Bonjour Libéra. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Alors, le club ado de Possé-sur-Cisse accueille les ados de 11 ans à 17 ans. Un club ado, c'est fait pour accueillir les jeunes, préparer des projets, pour faire des activités, des sorties. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Oui, c'est très bien, merci. Merci. Et pour les autres, c'est quoi pour vous le club ado ? Est-ce que ça soit les valeurs, ce qu'on fait, etc. Je te laisse la parole, Pablo. Moi, le club ado, pour moi, c'est un endroit où on se retrouve, avec souvent les mêmes personnes, et on rigole, et on fait pas d'activités, jusqu'à se crever les jambes. Sinon, est-ce que vous avez un meilleur souvenir au club ado ? Genre, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait rigoler, etc. Léane, t'es quand même très longtemps. T'as pas un truc qui t'a fait beaucoup rire au club ado ? Par exemple, les activités dans l'eau ou le paddle. À Marçon ? Ouais. Je t'en souviens quand on avait fait un remake de Titanic sur les paddles. C'était très très drôle. Très drôle. Mais sinon, vous, le club ado, vous le résumerez comment ? Genre, en trois mots, le club ado pour vous ? Léane ? Une deuxième famille. Une deuxième famille, c'est vrai ? Oui. Pourquoi une deuxième famille ? Parce qu'on se retrouve souvent pendant les vacances, on rigole, on a des délires. Le club ado, en réalité, par exemple, Léane et moi, on est dans le même collège, et pourtant, on ne se parle pas au collège et on ne se parle qu'au club ado. Car le club ado, c'est vraiment une maison à part entière. C'est vraiment là où on peut s'exprimer, on peut parler, on sait qu'on ne va pas se faire juger là-bas. Car au fond, tout ce qui est bizarre devient normal ici. C'est exact. Quelque chose à rajouter, Pablo ? En fait, c'est moi pour moi, c'est ma vraie famille un peu. C'est très mignon. Non, mais c'est mieux que ma famille, que certains membres de ma famille. Nous avons une nouvelle personne qui est rentrée dans le champ d'écoute. Alors Axel, voudrais-tu nous dire quelque chose sur le club ado ? Ce que je pense personnellement du club ado, premièrement, il y a pas longtemps, j'avais quitté le club ado parce que je me faisais insulter. Ensuite, aujourd'hui, quand je suis revenue, pour l'instant, j'ai observé beaucoup de changements. C'est vrai, lesquels, par exemple ? Déjà, ça se passe beaucoup mieux. C'est parfait, tout ça. Et toi, Papo, depuis que t'es arrivée et maintenant, aujourd'hui, comment le club ado, il a réussi à changer autant ou pour toi, c'est mieux ou c'est moins bien ? Moi, je trouve que c'est mieux parce que déjà, on a deux canapés. On a réussi à avoir une console et on est en train de le réaméliorer encore en faisant du tri pour avoir plus de place et avoir du neuf. Mais aussi quelque chose de grandiose qu'on a au club ado, c'est un four qui fait cuire l'intérieur des gâteaux. Car faut savoir qu'au club ado, on prépare nos goûters nous-mêmes. Et avant les vacances de février, dès qu'on faisait un gâteau, l'intérieur était pas cuit. Du coup, on mangeait de la pâte chaude. Et quand on démoulait des gâteaux, c'était pas des gâteaux du coup. C'est un bon souvenir ça aussi du club ado. Très bon souvenir. Du coup, Mathis, pour toi, c'est quoi tes meilleurs souvenirs au club ado ? Je suis là depuis pas très longtemps. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand on faisait des parrains, des activités. Et le parrain, c'est un jeu où il y a du coup un parrain et son but, c'est juste de pas se faire voler son argent. Le parrain, en fait, c'est un jeu qu'on réalise très souvent au Club Ado, surtout pendant les veillées, car on a aussi des veillées. Le plus souvent, c'est le jeudi soir, mais cette semaine, c'est exceptionnellement mardi soir. Donc, le parrain, je vais essayer d'argumenter un peu plus tes explications. En gros, il y a une personne qu'on va désigner comme parrain. C'est un peu un mafieux, etc. Et ce parrain a 100 billets dans une boîte. Et son but, c'est de ne pas se faire piquer par les gens. Le parrain a aussi des coéquipiers, comme son garde du corps, qui est là pour surveiller l'argent. Et son but, c'est de gagner avec le parrain. Et du coup, les voleurs, ceux qui veulent l'argent, donc, vont devoir lui voler pendant toute la soirée tout son argent. Et à la fin, en fait, on fait un décompte. Et du coup, si tout le monde a perdu, le plus souvent, on fait la vaisselle. Et si le parrain gagne... C'est lui qui fait la vaisselle. Je ne sais pas du tout, ça ne s'est jamais passé. C'est aussi des règles qu'on a inventées et qui sont d'ailleurs sur l'ordi du Club Ado, aussi là où on a du rétro gaming, comme on a parlé Pablo juste avant. Une des améliorations du Club Ado d'ailleurs. Et on a tapé toutes les règles nous-mêmes sur l'ordinateur et on peut même les imprimer. Et... C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça pendant les intercentres et que ça aurait pu être très cool de leur montrer un jeu du Club Ado. Car aussi on rencontre plusieurs centres aérés, comme on a rencontré Notre-Dame d'Oé. On fait aussi des intercentres avec des plus petits, comme les Petits Loups, Croque Loisir ou encore les Mille Potes qui sont à Nazel. Est-ce que justement, quelqu'un aurait quelque chose à dire sur les intercentres ou comment avez-vous trouvé en fait ces moments de convivialité avec d'autres clubs ou avec d'autres centres aérés ? Je vais passer la parole à Pierre. Moi, pour le Club Ado, les intercentres, quoi, moi, je trouve que c'est bien. On rencontre de nouvelles personnes si on s'est jamais vu, quoi. C'est bien, comme ça, on s'adapte à d'autres centres, si on y va dans le futur. On peut revoir des copains aussi, qu'on a vus en primaire, ou on peut voir en ce moment aussi. Ah oui, car toi, avant, t'étais aux Mille Potes, Pierre, c'est ça ? Oui. T'as un souvenir des Mille Potes à nous raconter ou pas ? Une soirée horreur, et c'était pas mal. Personne n'a quelque chose à rajouter, genre sur les anciens centres aérés où vous étiez, etc. Et comment avez-vous choisi le Club Ado, ou comment l'avez-vous découvert d'ailleurs ? Si, il y a pas longtemps, j'étais chez les Petits Loups. À Posé, c'est ça ? Oui. Le souvenir, c'est que je me suis fait l'un de mes premiers meilleurs amis, Novan. Là-bas, ça se porte assez bien, malgré le fait que parfois, on est obligé de faire la sieste. Et ça, c'est pour les tout petits, la sieste, non ? Même quand ceux qui ont 9-10 ans ? Oui. Oui. Force à toi, en tout cas. Maintenant, on va marquer cette émission par une petite pause musicale en écoutant Poker Face de Lady Gaga. Bonne écoute. Show him what I poker face. Poker face, poker face. You, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, 'cause I'm marvelous. Maintenant, on reprend. Vous êtes toujours sur Radio Ado avec les jeunes de Possé. Alors, Maëlie, ça fait combien de temps que t'es au club Ado ? Ça fait pas longtemps du tout. J'ai découvert aux dernières vacances d'été et j'ai bien aimé. Du coup, je reviens souvent maintenant. T'as un meilleur souvenir au club Ado ? Tout est un souvenir en fait. Enfin, j'ai pas de quelque chose qui se démarque particulièrement. Et toi, Ethan, t'as un meilleur souvenir au club ou pas ? Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Ethan. Oui, j'ai des souvenirs. C'est quand j'ai écrit sur le tableau qu'on a fait un LOL, un jeu en fait où c'était fallait pas rigoler, sinon on a perdu. Et en fait, j'ai bien aimé quand je disais bah alors Damien, c'est super. Je peux rajouter un truc ou pas qui a rien à voir ? Oui, vas-y. Radio Active, c'est 4,93 FM sur Boulogne-sur-Loire et 94,7 sur Amboise. N'hésitez pas. Merci, Vélibéra. De rien. Quelqu'un aurait quelque chose à dire sur le club ado encore ou on peut passer sur un autre sujet ? Non, c'est bon ? Pablo, voudrais-tu venir nous dire quelque chose ? Un souvenir à nous partager ? Pendant une partie de parrain, avec un de mes meilleurs amis, on était déguisés et il était déguisé en Luigi avec la casquette. Il avait réussi à voler quasiment tout le pactole du parrain. Il l'avait caché sous sa casquette. Sauf que lors d'un jeu, on lui a demandé d'enlever sa casquette et tout l'argent est tombé et c'était vraiment hilarant. Voilà. Aussi, pendant ce même jeu, on a un de mes meilleurs amis, Loan, qui travaille maintenant, qui d'ailleurs passe son BAFA pour devenir animateur en ce moment et qui s'était ramené avec un costume de gorille au parrain. On n'avait pas compris à la base ce qu'il faisait, mais il s'est ramené comme ça. Et il m'a volé mon sac ce jour-là pour prendre tous mes billets quand on joue au parrain aussi. Donc, très bon souvenir, mais très mauvais aussi. Tu veux prendre la parole ou pas, Ethan ? Axel, excuse-moi, vas-y pas. On a aussi plusieurs petits jeux au Club Ado, si vous voudriez venir. On a le cachette, par exemple. C'est un jeu où une personne, au hasard, va crier « cachette » d'un coup, et tout le monde va devoir se cacher. Et le dernier qui n'est pas trouvé a le cachette. Et aussi, on a le plaît-il. C'est un jeu où on se fait passer un objet. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire « Pierre ». Oui. Là, il a perdu. Donc, je vais lui donner l'objet et il va devoir avoir le plaît-il. Et le dernier qu'il a à la fin de la journée, il a un gage. Le dernier gage, c'était faire 3 tours de terrain, mais je crois qu'on n'était pas vraiment inspiré ce jour-là. Et après, on avait aussi un vieux jeu qu'on ne fait plus au Club Ado, c'est le sardine. C'était aussi très drôle. Une personne allait se cacher et tout le monde devait la rejoindre dans sa cachette. À chaque fois, on se retrouvait à 20 dans la cachette et la dernière personne qui trouvait, elle avait pas un gage ou quelque chose comme ça, Florian ? Oui ? D'accord. Je te laisse la parole, Ethan ? Oui, merci. Alors, j'ai une anecdote sur Alexis, qui est là. Alors, il est très drôle, mais aussi très fou. Il est aussi... je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il est drôle. Voilà. Et Florian, il est bizarre. Il est pas... Il n'est pas dans son état normal. Parce que au baby foot, à chaque fois, il fait que de nous battre. Après, il se la vante. Et voilà, merci. Moi aussi, j'ai une anecdote sur Flo. Il avait ramené un vidéoprojecteur de chez lui. Il s'était fait engueuler par sa copine. Et du coup, on a dû faire une photo à sa... Non, une vidéo à sa copine. Et on disait « Merci pour le vidéoprojecteur ». Et du coup, vous êtes réconciliés ou pas depuis cette histoire? D'accord. Merci, Flo. Alexis, en fait, il fait des études en psychologie. Et donc, dès qu'on a un problème, on vient lui parler et il nous règle tout de suite notre truc. C'est vraiment incroyable. Donc, au Club Ado, c'est surtout des gens fous, mais des gens qui nous aident à grandir et avec qui on rigole beaucoup. Alors là, tout de suite, on se retrouve avec Levitating de Dua Lipa. This ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Voilà, c'était Dua Lipa sur Radioactive. Je passe la parole à Monsieur Pablo, qui va vous parler. Eh ben, moi, je vais vous proposer un jeu. Enfin, je vais le faire plutôt avec mes camarades à côté de moi, parce que ça va être compliqué de le faire avec vous qui sont loin. Donc, en fait, le jeu est à partir d'un jeu télévisé, LOL qui ressort. Et en fait, le but, c'est de ne pas rire. On va être tous là à parler, à faire des blagues. Ça va être mieux de faire des blagues si on veut faire rire les autres. Et si on rigole, on est éliminé et on sort de ce petit groupe. Quelqu'un veut faire une blague, hein? Toi d'abord. C'est un hibou dans une casserole. Vous savez ce qu'il fait? Moi, je dirais qu'il boue. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous savez ce qui est haut comme trois pommes? Non. trois pommes. Pas mal, pas mal, c'est tombé sous le sens. Qu'est-ce qu'un yaourt dans la nature ? Un yaourt nature. Qu'est-ce qu'un sorcier qui fait de la magie noire avec du yaourt ? Un fromage blanc. Nous passons le micro à Ethan qui a une bonne blague. Qu'est-ce qu'on appelle un fromage qui rappe ? Kiri James. Merci Ethan, pas mal, pas mal. Pour ta blague. Ouais, pas mal, pas mal. Donc, c'est l'histoire d'un zoophile. C'est une personne qui a une attirance sexuelle pour les animaux. C'est un zoophile qui rentre dans un bar. Mais avant, il prend son élan. Et le bar, c'est un poisson. Et l'élan, c'est un animal aussi. Ouais. Et comme c'est un zoophile, bah, il rentre dans le bar. C'est très drôle. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Tu dis pas mal, tu fais pas de blagues. Mais ils en ont pas, en fait, là, sur le moment. Alors, c'est un mec bourré qui rentre dans un bar et il dit « Salut, c'est moi ». Alors qu'en fait, c'est pas lui. C'est qui, alors ? J'en ai une autre, hein, sur ce. J'ai pas compris, mais c'est bon. C'est encore dans un bar. C'est un SDF, donc sans domicile fixe, qui rentre dans un bar et qui commence à boire de l'alcool. Puis une fois qu'il a bien bu, il est un peu bourré. Et du coup, il demande les toilettes au barman. Le barman, il indique les toilettes, voilà. Il va aux toilettes et puis il s'étonne parce que... Oh, c'est des chiottes en or ! Wow, des chiottes en or ! C'est vraiment incroyable ! Et puis, bah, du coup, il va aux toilettes, quoi. Il fait ses petits trucs, quoi. Enfin, voilà. Il fait besoin, pipi, quoi. il fait caca partout, même. C'est bien dégueu. Hein. Et puis après, il va voir ses amis SDF dehors. Et il leur dit, bah, venez voir des chiottes en or, c'est incroyable ! Wow, des chiottes en or, quoi. Et du coup, ils essaient de rentrer, mais ils peuvent pas, parce qu'il est trop tard. Du coup, le barman, il leur dit de revenir demain. Ils reviennent le lendemain, puis ils lui demandent où sont les chiottes en or. Les chiottes en or, s'il te plaît, les chiottes en or. Bah, y a jamais eu de chiottes en or ici. Du coup, ils vont voir les chiottes en or. Y a pas de chiottes en or. C'est juste des toilettes normaux. Du coup, ils s'en vont, ils sont un peu déçus. Et le barman, il se dit, les chiottes en or, mais n'importe quoi. Puis après, il va parler avec son ami Karl, et il dit, ça y est, je sais qui c'est caché dans ton saxo. Un saxophone. Un saxophone. D'accord. D'accord. C'est doré un peu, vous avez. Oui, non, mais on a compris. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération au-delà de 18 ans. Qu'est-ce qu'un pilote de corbillard ? Un pilote d'essai ? Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris, bref. C'est pas grave. Merci quand même, Ethan, pour ta blague. On restera dans le délire. Rire qu'Alexis, qui ne joue pas, mais... Heureusement pour lui, car sinon il aurait perdu. C'est ça. Car nous le rappelons, le but n'est de pas rire. Eh oui, eh oui. Ou sinon, moi aussi j'ai une blague. Allez, vas-y. Quel bruit fait un tanard ? Toin, toin ? Oui. Elle rigole à sa propre blague. Peut-on dire qu'elle est éliminée ? Je bon. Crois bien que oui. Pourquoi ? Ah, elle rigole à sa propre blague ! Ouais, ouais. Donc voilà, Emma vient d'être éliminée et donc exclue... Du jeu. Ouais, bah, je vais faire commentatrice. Et remplacée par... Okay. Ah, bah non. Personne. Par Simon, qui peut nous rejoindre. Donc Emma, remplacée par Simon. Voilà, Simon vient avec nous. Simon, nous attendons Simon. Simon était demandé à l'accueil. Simon Manceau. Bizarre, non ? Oui, aussi. Ouais. Donc Simon... Pierre. Simon est remplacé par Pierre. Ou sinon... Ou il y a Corentin aussi. Ça, par Pierre. C'est pas drôle. Pierre qui n'est pas un caillou. Donc Pierre va remplacer Emma. Emma qui est à l'autre bout de la table. Bon, que fait un joueur de jeux vidéo quand il est triste ? Il se console. Bon, Pierre, il est déjà éliminé. Pas mal. J'en ai une. Oui. Vas-y, Pierre. Que dit une imprimante sous l'eau ? J'ai papier. Ciseaux. Le niveau est très très haut quand même, hein. Merci Pierre pour cette... Merci. Nous sommes formidable. Des surhommes et Attends, des surfemmes. J'ai une devinette pour les auditeurs. C'est pour vous, les auditeurs. Hein. Écoutez bien. Donc, c'est un chat. Un chat très classe, hein, en costard, cravate. Il est dans un avion. Un jet privé qui vole au-dessus du désert du Sahara. Mais l'avion a un problème technique et commence à piquer. Et du coup, il commence à piquer vers une dune et... Il s'écrase. Heureusement, le chat a réussi à s'en sortir grâce à un parachute. C'est génial, le parachute. Il arrive dans le désert. Il est très classe, mais... Il n'a pas prévu de kit de survie. Mais sa première envie, aller aux toilettes. Il va aux toilettes, il fait ses petites affaires. Ses besoins. Mais il n'a rien pour s'essuyer. Avec quoi il s'essuie ? Avez-vous des propositions ? Le parachute. Non, le parachute a brûlé. D'accord. Avec sa main ? Non, il est très classe quand même. Avec le sable? Ah non, ça va piquer, il est très classe quand même. Je vous le rappelle, il est très très classe ce chat. Son costume? Non, il va pas se dire son costume, il est très classe. Avec sa queue? Vous donnez votre langue au chat? Oui. Ah. Bah oui. Ah, vous êtes vraiment dégoûtant. Il va s'essuyer avec. Ah! Ah! C'est dégoûtant. Moi, je vais devenir humoriste. Hein. Ah! Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute. Oh. Vous savez ce qui est plus dangereux qu'un voleur? Non, absolument. Deux voleurs! Et qu'est-ce qui est plus dangereux que deux voleurs? Trois voleurs. Quatre voleurs. Trois voleurs! Et on peut continuer comme ça un moment. Quatre, cinq, six. Alors, Ethan qui veut prendre la parole. Qui est le sport préféré des racailles? Le sport épique, parce qu'il pique ton voleur, il pique ton appartement. Pique ton argent. Ouh! Ouh là là là là. Bonne blague, mais c'est pas passé. Sinon, loin je viens d'avoir une blague. Je viens d'avoir une blague. Ouais. Pourquoi les pigeons ne savent pas nager? Parce que les pigeons roux coulent. Pas ouais. Mal, mais c'est pas passé loin du rire. Ah bravo. Ouais. C'est Johnny Hallyday et sa femme qui sont sur un ponton au bord de la mer et qui regardent la mer au large avec des jumelles. Ils voient plusieurs sortes de bateaux. Donc c'est sa femme qui regarde et qui dit « Oh regarde, Johnny, là-bas, un bateau !» Alors Johnny il regarde et dit « Bah non, c'est un yacht !» Et elle lui dit « Oh, t'es vraiment trop fort! Mais comment ça s'écrit, yacht ?» Attends, je regarde. Ah non, t'as raison, c'est un bateau. Super. Moi aussi, j'ai une blague. Super. Allez, vas-y, okay, dis-nous. Okay. Qu'est-ce qui est vert et qui va sous l'eau? Un chou marin? Merci. Bonne blague, bonne blague. Je crois que Pablo, t'en as une autre. Ah non? Peut-être. Pardon. Ok, bon, je fais la mienne. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Deux bébés dans une poubelle. Excellent. Quelqu'un m'a donné une blague. Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse? La femme. Oh. La conductrice. Je ne suis pas consentante d'avoir lu cette blague, d'accord? On m'a forcé. Et moi, j'ai répondu, c'est tout. Je ne suis pas d'accord avec cette blague. C'est tout. D'accord. Moi non plus. Je suis scandalisée. Bon, d'accord. Attends, j'ai une blague, là. Vous avez déjà vu une tomate chanter? Moi, j'ai vu une carotte râpée. Pareil. Parce que moi, j'ai vu une carotte râpée. On a vu exactement la même chose. Super. Ah, j'ai d'autres idées en tête. Avec les nouvelles actualités, avec Kenji, on a une petite blague. Vous savez, Kenji, il s'est fait tirer une balle. Avant, Kenji avait un trou de balle, maintenant il en a deux. Vous voyez, les gens qui vivent en Mongolie, C'est des Mongols. C'est les Mongolitos. Et dans une classe de Mongolitos, il y a une professeure qui montre une image de vélo rose au tableau. Donc là, elle leur demande... Qu'est-ce que c'est? Je connais la plaque. Les Mongolitos, ils lèvent la main, ils font... Moi je sais, madame! C'est un vélo rose! C'est bien, Mongolito! Et voilà, c'était, ils ont terminé les cours. Et le lendemain, elle leur montre un vélo bleu. Qu'est-ce que c'est? Moi je sais, madame! C'est un vélo bleu! C'est bien, Mongolito! Et puis, il a fait ça avec toutes les couleurs pendant la semaine. Puis, au bout d'un moment, elle se dit oh, ils sont forts, ces Mongolitos! Et après, elle change. Et elle met un espèce de vélo, mais avec deux selles, là. Un tandem. C'est bien, Mongolito! C'est bien, Mongolito! Qu'est-ce qu'un nain en prison? Un imposteur, je dirais. Un incarcéré. On va vous passer une musique. Une musique Eminem Venom. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, sets you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming, lick, lick, lick, let us in. It lick, lick, like a solid ball, let your Allen pole, bedridden, should've been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, sleek my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant. Manure, hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pals. getting mad when went from Hellman's and being Ralph and Flaffin. Scribble Jam Rap Olympics, 97 Freaknik, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room slept on the Florida Motel then. Dr. Dre said hell yeah, and I got a stamp like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced, because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the venom. I got that adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip-pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Fit venomous, the thought spun like a web and you're discarding them. Held again, still feel like a hubcap or a mud flap. Beat strangler, attack. So this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track. Like what's her name's at the wheel, then a cup Patrick. Through the car in the reverse at the Indian nut crash in India. The back of the just mangled steel, my Mustang and the Jeep Wrangler. The grill with the front smashed, much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an action, kamikaze and Gandhi. Translation, I will probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in India when you're bit with the venom. Adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get bit with the venom. I got that adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Alien, it Elliot, phone home. Ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm loco, became a symbiote. So my fangs are in your throat, ho. You're snake bitten with my. Point pin 'em, gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tie, top of uggerot, tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young doc, cause the doc put me on like sun rock, why the fuck not, you only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with stray liquor, then bathed in it, then drank till I faint and awake, get a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait. To face the demons I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible, I latch on to you like a. Parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too. Cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the super villain, dad and mom is losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the Venom. I got that adrenaline momentum, and I'm not going with them. Never gonna slow up in them, ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get them, they ain't gonna know what hit them. When they get beat with the. On se re-retrouve sur Radioactive après une courte pause musicale accompagnée de Eminem. Alors maintenant, on a un petit concept, ça va être un pour ou contre. On va parler entre interlocuteurs, tout en lançant des sujets un peu au hasard. Qui aurait quelque chose pour commencer ? Julie, tu veux parler ? Est-ce que vous mettez les céréales avant ou après le lait ? Ah ouais ! Ouh là là là là là ! Là, ça va être tendu. Débat magnifique. Tu veux commencer, Pierre, par ton opinion ? Oui, je veux bien. Pour mon avis personnel... je mets les céréales avant le lait et le lait après les céréales. Moi, c'est plutôt l'inverse parce que je fais chauffer le lait et du coup, après, si on fait chauffer les céréales avec le lait, bah, c'est pas bon, c'est tout mou. Et voilà. Pour moi, ça dépend des céréales. Car par exemple, si c'est des céréales avec du chocolat autour, bah, faut mettre le lait après, comme ça, t'as un petit chocolat froid à la fin. Ou comme c'est des céréales genre les Kellogg's, etc. Genre, j'ai tendance à faire chauffer le lait et après mettre les céréales dedans, pareil. Voilà. C'est très bon comme ça. Oui. Léane, à ton tour. Merci. Personnellement, je mets les céréales avant le lait. Sans aucune raison. Sans aucune raison. C'est meilleur. Qui suis-je pour te juger, au fond hein Pablo, veux-tu intervenir dans ce débat ? Très mouvementé, d'ailleurs. Vous dites, pain au chocolat ou chocolatine ? pain au chocolat pour moi. Pain au chocolat pour tout le monde, je pense. Moi, ça dépend de l'endroit où je suis. Car géographiquement parlant, j'essaye de m'adapter aux gens. Car je sais que si je vais vers Bordeaux et genre que je dis pain au chocolat, ils vont pas très bien réagir. Ou vers Toulouse, dans le sud-ouest. Hein. Ils ont un autre dialecte, on va dire. Axel, tu voulais dire quelque chose ? Qui est meilleur entre Paris et Marseille ? Ouh, bah, Paris, hein. Paris. Ah ouais. Je te laisse la parole, Maëlie. Ah, bah moi, je suis plus pour Paris. Ok. Pierre ? Bah, moi, j'attends. Maëlie, je te laisse la parole pour t'exprimer sur ce sujet. Bah moi, je suis plus pour Paris parce que bah ça reste la capitale de la France, donc bah. Et t'as aucun avis sur Marseille, du coup ? Non, et après, à vrai dire, je regarde pas vraiment le foot, donc. Tu peux pas trop avoir d'avis dans tous les cas, c'est ça ? Exactement. À ton tour. Moi, c'est un petit peu la même. Je suis pour les deux. Comme t'as dit, pour chocolatine ou pain au chocolat. Ça dépend de la beauté. Ouais, je m'adapte aux autres. Et moi, de toute façon, la même, je regarde pas trop le foot, donc voilà. Léane, veux-tu t'exprimer ou non ? Pas du tout. Bah, moi, je m'en fiche un peu. Alors, moi, je regarde pas de foot du tout, mais je regarde du rugby. Et au rugby, je suis pour Paris. De toute façon, Marseille... moi, je les identifierais à Provence Rugby en Pro D2, même si, bon... ce week-end, Paris, on s'est fait battre une quarantaine de points à 18 à Clermont. Ça faisait très mal. D'ailleurs, pour les résultats de ce week-end sportif, Lens a perdu. D'ailleurs, Corentin, Lens a perdu contre qui ? Contre Marseille. Il y a eu 2-1 pour Marseille. Lens, on les a un peu éclatés à la première minute, Aubameyang. Et après, ce week-end aussi, il y a eu le Crunch. Le Crunch est un événement sportif entre les équipes de rugby de France et d'Angleterre. Du coup, là, c'était le Crunch féminin du tournoi Destination. Et on s'est fait battre par l'Angleterre 42-21. Ça faisait un peu mal, mais dans tous les cas, on termine deuxième au tournoi. Et c'est quand même très beau. Elles ont fait un très beau travail, les Françaises, dans ce tournoi. Je vais aussi rebondir un peu sur la première discussion qu'on a eue sur le club. Et au club ado, on a fait un tournoi sportif la semaine dernière à UFO Street, qui était d'ailleurs super bien. L'organisation et tout ça, on a trop kiffé. Notre équipe de basket du club ado a gagné le deuxième prix du tournoi, car ils ont battu toutes les équipes et tout ça. La prochaine fois, en libre, on essaiera d'arriver deuxième. Hein, Corentin ? On était arrivé deuxième, mais je pense qu'il y a eu fraude. Pas qu'il y a eu fraude, c'est que on avait fait 0-0 au floorball. Le floorball, c'est un peu comme du hockey sur glace, mais sur le sol, quoi, normal. Et on avait fait 0-0 et je crois qu'ils ont fait 1-0. C'est pour ça qu'ils ont eu un point. Pablo ? Un autre débat à lancer ou quelque chose à dire ? Moi, je pense que de l'équipe de basket, ils n'ont pas pris en compte complètement les résultats de nos matchs, car notamment sur un de nos matchs, on a gagné en 8 contre 11, dont 3 adultes en face de nous, et on a quand même très clairement dominé le match, et on a tout gagné. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'est que deuxième. Après, deuxième c'est bien, mais bon, après, premier c'est mieux. J'ai un petit débat à faire. D'accord, je te laisse te lancer, Pierre. Vous mettez le dentifrice avant d'avoir rincé ou après d'avoir rincé ? Oh, je ne rince jamais mon dentifrice. Eh bah, moi non plus. Merci beaucoup. Maëlie, que fais-tu, toi ? Moi, je mets de l'eau avant, je mets mon dentifrice et je mets de l'eau après. Car pour toi, le goût du dentifrice... Bah, c'est pâteux et c'est pas bon. Et c'est trop fort ? Non. Non, même pas ? Non, c'est juste que ça fait... C'est tout pâteux après et c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est tout pâteux ? Exactement. Et après, c'est pas... Et Léane, toi, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu te brosses les dents, Léane ? Je mets de l'eau sur la brosse à dents, puis je mets le dentifrice. Je ne rince jamais mon dentifrice. Je n'ai jamais fait ça. Vraiment, dans toute ma vie, ça ne m'est jamais arrivé de mettre de l'eau en même temps que du dentifrice. Mais non, je mets le dentifrice oui, après. Même, j'ai jamais mouillé ma brosse à dents avant de mettre mon dentifrice. Mais sinon, la brosse à dents est trop sec. Moi, mais quand t'as une électrique après... Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça et j'ai pas aimé. Merci beaucoup pour ton avis. J'ai un petit débat aussi, moi. Ok, vas-y, Léane, lance-le. Vous êtes pour ou contre les uniformes au collège ? Ouh ! Oh là là ! Moi, j'ai un avis très tranché dessus, mais je vous laisse en parler, vous. Bah, après toi, Libéra. Après moi ? Moi, je suis contre les uniformes dans les écoles, parce que déjà, on jugera toujours sur autre chose, que ça soit sur ta coupe de cheveux, sur ton ethnie, sur ta religion, etc. Mais on jugera toujours sur quelque chose et un uniforme, c'est pas dans ça qu'on devrait déjà pas investir dans l'éducation, etc. Et en même temps, il y a tellement de choses à améliorer au lycée et au collège que mettre des uniformes, ça changera au fond un peu rien à la situation. Car comme je l'ai dit juste avant, on trouvera toujours quelque chose pour te juger. Pablo, quelque chose à dire dessus d'ailleurs ? Moi, je suis complètement d'accord avec toi, libéral, et pour moi, les uniformes, ça va rien changer. Ça va même empirer les choses, parce que du coup, on aura encore moins de moyens. Et les gens, de toute façon, et comme tu as dit, ils jugeront toujours sur autre chose. Et c'est pas ça qui va changer les chiffres du harcèlement. Et même, il y a des familles qui peuvent parfois pas toujours faire des lessives comme ils veulent, etc. Du coup, ils vont remettre les mêmes vêtements et seront jugés les gens sur ça. Ou même, genre, t'as des chaussures différentes à d'autres, car l'uniforme, quand même, on va rester sur... apparemment, ça serait un haut simple avec un bas d'une couleur, c'est ça, en fonction des... Je crois que ce serait un pantalon, un polo et un pull. Un polo et un pull. Ouais. Et c'est-à-dire que ça sera aussi payant, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Et il y a des familles qui... Gratuit ? C'est offert par l'État. Du coup, en été, on va se trimballer avec un polo et un pantalon. Non, jupe. Obligatoire pour les filles ? Non, vraiment pas. Non, c'est un uniforme mixte. Uniforme mixte, ok. Merci pour les précisions, Julie et Emma. Moi, personnellement, je suis pour l'uniforme parce que je pense que même si ça ne raye pas complètement les différences, c'est sûr, parce qu'on peut toujours nous juger sur certaines différences, ça peut quand même aider certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens, par exemple, de s'acheter des pulls de marque ou des choses comme ça. De se payer un peu ces choses-là parce que c'est quand même pas gratuit et puis ils sont donnés les uniformes quand même, enfin ils sont offerts, donc oui c'est sûr faut faire une lessive mais d'un autre côté il faut aussi faire des lessives de nos propres vêtements, donc au final ça, je trouve que ça reste la même chose. Mais pour moi aussi une tenue c'est une manière de s'exprimer et moi genre si je sais que si je m'habille pas comme je veux, si on me dit habille-toi comme ça, je vais me sentir mal quoi, je vais pas me sentir à ma place dans mes vêtements ni bien dans mes habits, alors ça va amplifier mon mal-être mais vraiment. Genre, t'es pas bien dans ta tenue, tu vas pas être bien quand tu vas étudier, etc. Ethan, quelque chose à rajouter ? Je connais pas trop les uniformes parce que je suis pas dans le même cadre scolaire que vous. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ça doit être pas. Je suis pas pour. Parce que aussi, les gens qui viennent avec de la marque, ils se moquent des gens qui ont pas de marque. Comme il y a une personne qui est dans mon état scolaire qui m'a dit qu'il était contrôlé pas marque parce que les gens qui viennent de la campagne c'est nul, les gens qui ont pas de marque c'est nul, mais nous on l'a repris, on a dit que la marque c'est pas important, même si j'ai pas de marque je suis pas habillé avec de la marque, je suis bien fringué quand même, tout le monde me dit je suis bien fringué, voilà, du coup moi c'est un petit peu nul. Et moi je pense qu'il faut que les gens changent de mentalité avant que nous on change pour eux, tout simplement, parce que une tenue reste le reflet de notre personnalité et on n'a pas à changer notre personnalité pour d'autres personnes nous acceptent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Une tenue, c'est un reflet de soi-même et quand on ne s'habille pas comme on veut, on n'est pas nous-mêmes, tout simplement. C'est exact. Exactement. Chacun son style. Après, je trouve, la tenue, c'est un reflet de soi-même, mais aussi ça peut empêcher de se faire inclure dans certains cadres parce qu'il y a des personnes, on va tout de suite les juger par leur style vestimentaire que par... Leur caractère ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut empêcher certaines amitiés de se créer par rapport à ça, quoi. Et ça peut exclure certaines personnes, justement, juste à cause de leur style vestimentaire et de comment elles sont habillées ou des moyens qu'elles ont pour s'acheter des vêtements. Mais est-ce que ça serait pas nous, alors, si on n'essaierait pas de créer une amitié avec quelqu'un juste par son style vestimentaire ? Genre, est-ce que ça serait pas notre faute, alors, si on a littéralement une mentalité bête, quoi ? Alors... Ça sera à nous de changer, pas nos vêtements, quoi. Quelque chose à rajouter, Julie ? Moi, je tiens à dire que l'uniforme, quand même, s'il est bien fait, c'est stylé. Donc, j'ai juste ça. Mais j'ai vu des photos de l'uniforme, il est vraiment pas beau, en plus. On n'a pas, genre, les trucs comme dans les lycées japonais, où, genre, c'est vraiment classe, et selon le lycée, t'as l'uniforme qui change et tout ça. On va voir... Polo et un pantalon. Et une jupe. Oublions pas la jupe. Non, il n'y a pas de jupe, je crois. Il n'y a pas de jupe ? Je crois que c'est vraiment la même tenue toute l'année. Et c'est mixte, en fait, c'est unisex pour pas qu'il y ait de différence entre... Mais on va crever de chaud, alors. Exactement. Et j'aimerais bien rajouter un truc. Oui, vas-y, Pierre. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord. Il faut accepter tous les gens autour de nous, comme ils sont, et ne pas se moquer du style vestimentaire, et ne pas se moquer si on a des marques ou pas, et tout. Moi, je pense qu'on doit s'accepter comme on est. Je suis tout à fait d'accord. Je te laisse reparler, Emma. Oui, mais aussi, L'uniforme, ça permet d'avoir la même tenue un peu toute l'année, alors que sans uniforme, faut quand même changer de tenue tout le temps. Faut souvent avoir de nouveaux vêtements, histoire de dire « Ah oui, mais je porte pas tous les vêtements de toute l'année. J'ai la nouvelle collection, j'ai le nouvel basket, j'ai le nouveau t-shirt. Enfin, ça reste quand même quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose quand même qui est handicapant pour certaines personnes. De tout le temps devoir acheter de nouvelles choses et ce genre de choses. Alors, on va vous dire au revoir. On vous remercie de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au club ado, on n'a pas les parents sur le dos.